trop de blessures, trop de ratures, trop de pourriture. Dans la hurle, ça lance mon écriture. Trop d'ordures, trop de blessures, trop de ratures. Trop d'ordures, trop de blessures, trop de ratures, trop de pourriture. Dans la hurle, ça lance mon écriture. Trop d'ordures, trop de blessures, trop de ratures. Mon frère, faut que je m'en sors avant que mon haine ressorte et que ça cause des torts. En ce moment, je suis trop tendu comme un sort, trop remonté comme une pendule. Mon frère, faut que je m'en sors avant que sur moi se jette un sort. La jalousie me poursuit, cause des morts, j'en ai des remords. Putain, j'ai rien à voir, c'est pas de ma faute. La tête nous rend ouf, on en perd les pédales. La chenille sur la chenouf dans le cerveau, ça fait mal. On veut la même chose, mais terrain de jeu se transforme en champ de bataille. Les balles sifflent, les mômes grandissent, les darons sont tristes sur le bord de la fenêtre. Je suis au bord du gouffre, peut-être que demain je serai la prochaine victime de l'un de ces traits. Qui suis-je au fond de moi-même? Suis-je peut-être prêt à tout pour tenir le coup? Donner un coup de pouce sous un coup, à un tour aurais-je les yeux fixés sur un six coup? T'inquiète, je tiens le coup malgré que je commence à perdre la boule. Fais-moi sourire chérie, que je reprenne le goût de vivre. Je veux être libre comme la colombe, tu m'en volant, je souffre de martyr. Je rêve de liasse pour avoir l'occasion de m'enfuir. J'ai envie de retrouver le sourire, retrouver le sourire mon frère. Je veux retrouver le sourire. Trop d'ordures, trop blessures, trop ratures, trop pourriture. Dans la hurle, ça laisse mon écriture. Trop d'ordures, trop blessures, trop ratures. Trop de peine, de rage et de haine. Dans nos cages HLM, ils ont beau repeindre nos bâtiments, la rue nous réserve le même châtiment. Trop de vices, ils sont là sans leurs bras. Fumé par sa propre résine, étouffé par sa propre cocaïne. La rue s'inspire de trop de films, trop de frimes, trop de victimes. Entre rêve et réalité, en vrai, on a du mal à réaliser. Une rage dure à canaliser. Des jours et des nuits, certains clans sont en rivalité. Avant de faire couler le sang, faut faire des mille ou des cent mille. Pour la famille, 32 000. Histoire des billets, des mecs qui se font plier, à genoux en train de se plier, la vie ou l'ange de la mort pour être épargné. Pourquoi nier avant d'être envoyé dans les cordes, finir dans le décor? Faut que je mette tout le monde d'accord. De ta vie, tu es le seul maître à bord. C'est la merde chaque jour, chaque jour, dans le monde dans lequel on vit et pas cool. Sur le trottoir, le sang coule comme sur le visage de ta mère, appelée à la barre où les larmes coulent. De nos jours, y'a plus question de respect, juste question de couilles. Et pour qu'il dissout dans le froid, le vainqueur sera le premier à cracher les douilles. Est-ce ça l'avenir qu'on nous a réservé? Trop longtemps, je me suis préservé. C'est pas pour finir enterré, j'abusais. Jour et nuit, je dors plus. Mon miroir ne me reconnaît plus. Le grave, au droit chemin, j'y pense, mais j'y crois plus. J'ai jeté mes cahiers, je vise le Cayenne, man. Je veux plus trouver ma voie, garder la foi. Y'a que Dieu en qui je crois. Je compte sur personne, j'ai besoin de personne. Mon bonheur, personne ne me l'amène. Y'a que les problèmes qu'on me ramène. La haine mélangée au sky dans les veines. 32 000, c'est pour mes ça, je l'aime. L'époque, elle HM, dans mon cœur, je porte trop de peine. Trop blessures, trop ratures, trop pourritures. Dans la hurle, ça laisse mon écriture. Trop d'ordures, trop blessures, trop ratures. Trop d'ordures, trop blessures, trop ratures, trop pourritures. Dans la hurle, ça laisse mon écriture. Trop d'ordures, trop blessures, trop ratures. Trop blessures, trop ratures, trop pourritures. Dans la hurle, ça laisse mon écriture. Trop d'ordures, trop blessures, trop ratures.